Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. C'est Jean-Pierre Gay qui est avec vous ce soir et en l'absence de Gaétan Gosselin. J'avais des compétitions. En l'absence de Gaétan Gosselin qui a profité de son long congé de la fête de dollars, je pense, pour pouvoir bénéficier de la belle température de cette fin de semaine et de jusqu'à demain aussi. Donc, ce soir, tel que l'annonçait notre ami Simon, une émission spéciale qui est produite par Avatar, tout spécialement, et qui consiste à un projet de Nathalie Leblanc, Nathalie qui travaille chez Avatar. Et donc, Nathalie a eu la bonne idée de créer un nouveau type de cinéparc, c'est-à-dire un cinéparc qui a lieu quelque part sur le boulevard de la Pointe-aux-Lièvres, au 26 rue de la Pointe-aux-Lièvres, donc dans le stationnement où vous allez patiner habituellement l'hiver. Donc, Nathalie a créé un curieux écran qui est en quelque sorte une remorque de camion-remorque sur lequel vont être projetées des images et dont le son va vous provenir par ici, par CKRL. Donc, nous serons le diffuseur du son pendant que vous serez les regardeurs du spectacle. Vous nous écouterez sur vos radios. Alors, voici quelques mots qui vont parler de l'origine de ce projet. J'ai rencontré Nathalie cette semaine, Nathalie Leblanc, et voici ce qu'elle me disait concernant justement ce projet. C'est un projet de projection extérieure qui s'inspire de la forme du cinéparc. Dans le fond, moi, mon travail récent est beaucoup porté sur la vidéo et je cherchais une manière, dans le fond, d'amener la projection ailleurs, de justement offrir une autre type d'expérience aux spectateurs quand ils regardent mes vidéos. Et le cinéparc, justement, vu que c'est un loisir qui peu à peu est en train de disparaître, je trouvais que ça serait intéressant de revisiter cette forme-là, justement, dans le fait... qu'on est assis immobile dans une automobile à regarder un écran qui est monté dans un terrain vague, justement, où l'espace est inutilisé à la base. Donc, je me disais que j'allais retravailler justement tous ces aspects-là du cinéparc pour en faire une nouvelle œuvre. Et donc, ce qu'on va voir à l'écran et aussi ce qu'on va entendre sur les ondes de CKRL, c'est des captations qui ont été prises antérieurement sur le site. Justement, on va voir la vidéo. Donc, c'est entièrement du montage, dans le fond, de différentes journées qu'on peut voir de ce lieu-là et aussi différents sons qu'on peut entendre de ce lieu-là, mais retravaillés et mis ensemble le temps de cette projection-là. Alors, donc, vous avez bien compris que vous êtes dans le lieu... Vous êtes dans le lieu où, justement, les images ont été filmées et vous allez voir donc ce lieu à différentes périodes et vous aurez le son qui vient de CKRL. Alors allons-y maintenant, donc dans quelques secondes, le temps que je branche le son et qu'on va maintenant procéder à la synchronisation et du son et de l'image. Ça ne sera pas long, le temps que la technologie fasse son œuvre et d'ici quelques secondes, on devrait avoir la bande-son qui va elle-même être synchronisée sur les images. Voilà. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Deuxième demi-heure de la Croche-Oreille, c'est toujours Jean-Pierre Gay avec vous ce soir. Et nous vous présentons, en fait, à deux groupes. Vous, chers auditeurs et auditrices, nous vous présentons la bande sonore d'une projection vidéo qui a lieu actuellement à la Pointe-aux-Lièvres. Et donc, la trame sonore est ce que vous entendez. Donc, la trame sonore qui accompagne cette projection qui est actuellement diffusée à la Pointe-aux-Lièvres. Il faut comprendre que les images que vous voyez et les sons que vous entendez ont été captés sur ce lieu à différentes périodes de la dernière année. Donc, c'est une dramatisation sonore et visuelle du lieu auquel a lieu la présentation actuellement. Alors, sans plus tarder, nous allons passer immédiatement à la deuxième partie de ce projet de Nathalie Leblanc et qui s'intitule Vidéo Parc. Voici donc la deuxième partie. Thank you. C'est sûr, cette vague, presque cette vague citadine et ces petits chants d'oiseaux entremêlés de bruits de ville que se termine cette projection. Oui, projection pour les gens qui étaient à la Pointe-aux-Lièvres, mais aussi cette écoute pour vous, chers auditeurs et auditrices de CKRL, qui avaient eu le plaisir d'entendre cette bande-son et d'imaginer un peu ce qui pouvait se passer dans différentes périodes à ce lieu à Québec, donc des enregistrements de la Pointe-aux-Lièvres. C'était un projet de Nathalie Leblanc qui s'appelait Vidéo Parc et pour lequel CKRL a accepté, et la croche-oreille, évidemment, a accepté de diffuser la bande-son. Donc, merci à Nathalie Leblanc pour nous avoir courtisé, si je peux dire, pour la diffusion de ce projet. Merci à Avatar qui a en grande partie permis la réalisation de tout ça. Et merci encore à CKRL qui, comme toujours, depuis 30 ans et beaucoup plus maintenant, se fait le porte-parole de tous ces projets qui sortent des sentiers battus dans tous les domaines du son, de la musique. Donc, c'est CKRL qui a toujours et encore sa place dans l'espace sonore de Québec. C'était donc la croche-oreille de cette semaine. On vous dit à la semaine prochaine pour notre dernière émission de la saison. Et Gaëtan sera de retour à ce moment-là. Et donc, une émission qui s'annonce fort heureuse, fort joyeuse, avec un très grand artiste que je tente d'avoir en entrevue depuis plus de 4 ans, Georges Azaria, qui est aussi un grand pianiste. Il a créé son propre piano, un piano fort particulier. Et il nous fera plaisir de conclure cette saison avec Georges et avec vous. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.